Bonjour ou bonsoir. Allez, c'est parti, comme le dit Mathilde Larère, aujourd'hui nous sommes le 29 mai 2017 et c'est la fête à la naissance de Louise Michel. Du coup, je vais vous faire à la fois la lecture du récit qu'a mis en ligne Mathilde Larère sur le Twitter qu'elle anime quotidiennement avec des histoires sur l'histoire et elle le fait super bien. Et je vais compléter cette biographie trouvée sur Twitter par la première partie, par la lecture de la première partie des mémoires écrites par Louise Michel sur sa vie. Voilà, donc ça peut peut-être être un peu long, j'en sais rien du tout en fait, parce que ben, comme d'hab, je vais lire et découvrir un peu au fur et à mesure. J'ai juste survolé pour l'instant. Donc comme le dit Mathilde Larère, allez, c'est parti. Gloire et hommage à Louise Michel, née il y a 187 ans. Donc, Clémence Louise Michel, née le 29 mai 1830 dans la Haute-Marne. Elle devient institutrice, mais refuse de prêter serment de fidélité à Napoléon III et s'installe à Paris, ouvrant X écoles et cours du soir. Longtemps, elle correspond avec Victor Hugo, à qui elle envoie des poèmes qu'elle signe du pseudo Anjouara. Elle s'introduit dans les milieux révolutionnaires et rencontre à cette époque Jules Vallès, Eugène Varlin, Raoul Rigaud et Émile Éhude. Elle collabore alors au Cri du Peuple de Vallès. Louise est alors proche des blanquistes, socialistes révolutionnaires. Louise Michel se bat pour une république démocratique, inspirée de la Convention de l'an 2 et sociale dans le prolongement de juin 1848. Après la mort de Victor Noir, tué par un bonapartiste, elle décide de ne plus porter que du noir en signe de deuil. Prenant le siège de Paris, c'était l'hiver 1870, elle se dévoue pour mettre en place des cantines. Le 22 janvier 1871, en habit de garde nationale, elle aurait fait feu sur l'hôtel de ville. Elle est présente dès le début de la Commune, le 18 mars 1871. Elle combat à plusieurs reprises contre les Versaillais en avril, mai et bien sûr au cœur de la semaine sanglante. Louise est une de ces femmes du 19e qui réclamait pour les femmes le fusil avant l'urne, convaincue que la citoyenneté était là. Après la semaine sanglante, faute de la trouver, les Versaillais arrêtent sa mère. Elle se rend pour la faire libérer. Arrêtée, elle est détenue au camp de Satory. Elle passe le 16 décembre devant un conseil de guerre qu'elle transforme en tribune pour la défense de la révolution sociale. Elle réclame la peine de mort, comme ses amis, à son procès, ce qu'on lui refuse comme femme. C'est un extrait de ce qu'elle disait. Ce que je réclame de vous, c'est le poteau de Satory, où déjà sont tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire, eh bien on a raison, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part, moi. Celle que la presse versaillaise appelle la louve à vide de sang est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. En déportation, elle rencontre Henri Rochefort et Nathalie Lemel. En déportation, elle rencontre donc Henri Rochefort et Nathalie Lemel, elle aussi grande animatrice de la Commune. À son contact, elle passe du blanquisme à l'anarchisme. Elle reste cette année en Nouvelle-Calédonie, refusant de bénéficier d'un autre régime que celui des hommes. Elle cherche à instruire les Kanaks et elle prend leur défense lors de leur révolte en 1878, se démarquant d'autres communards. De retour à Paris, le 9 novembre 1880, elle est chaleureusement accueillie au cri de « Vive Louise Michel, vive la Commune, abat les assassins !» Elle y reprend son activité d'infatigable militante, donnant de nombreuses conférences, intervenant dans des réunions politiques. C'est le 18 mars 1882 que, désirant se dissocier des socialistes autoritaires et parlementaires, Louise Michel adopte le drapeau noir. Citation. « Plus de drapeau rouge mouillé du sang de nos soldats. J'aborderai le drapeau noir portant le deuil de nos morts et de nos illusions. » Elle l'élabore le 9 mars 1883 lors d'une manifestation au nom des « Sans travail » et qui s'accompagne du pillage de 3 boulangeries. Ce qui lui vaut une nouvelle condamnation à 6 ans de prison, mais elle est graciée en 1886. Elle sera à nouveau condamnée peu après pour avoir soutenu les mineurs en grève de Decazeville, puis à d'autres reprises encore. Elle n'a jamais baissé les bras, la Louise. Elle meurt le 9 janvier 1905 à Marseille. Enterrement massif et pleuré. On voit là sur le tweet de Mathilde Larère une carte postale de l'époque noire de monde, noire comme le drapeau noir qu'elle avait contribué à mettre en place. Pionnière du féminisme, elle écrit dans ses mémoires « La question des femmes est, surtout à l'heure actuelle, inséparable de la question de l'humanité. Les femmes, surtout, sont le bétail humain qu'on écrase et qu'on vend. » Avant de lancer, « Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise. » Sur la prostitution, ses propos sont sans ambiguïté. Il y a entre les propriétaires des maisons de prostitution échange de femmes, comme il y a échange de chevaux ou de bœufs entre agriculteurs. Ce sont des troupeaux. Le bétail humain est celui qui rapporte le plus. Si les grands négociants des marchés de femmes qui parcourent l'Europe pour leurs négoces étaient chacun au bout d'une corde, ce n'est pas moi qui irai la couper. Est-ce qu'il n'y a pas des marchés où l'on vend, dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles de riches sont vendues pour leur dot ? L'une la prend qui veut, l'autre on la donne à qui on veut. La prostitution est la même. Esclave et le prolétaire, esclave entre tous et la femme du prolétaire. Autre citation. Ce n'est pas une miette de pain. C'est la moisson du monde entier qu'il faut à la race humaine, sans exploiteur et sans exploité. Encore une autre citation. La révolution sera la floraison de l'humanité, comme l'amour est la floraison du cœur. Encore une autre citation. Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'était bien la commune, composée d'hommes d'intelligence, de courage, d'une incroyable honnêteté et qui avait donné d'incontestables preuves de dévouement et d'énergie. Le pouvoir les annihila, ne leur laissant plus d'implacable volonté que pour le sacrifice. C'est que le pouvoir est maudit. Et c'est pour ça que je suis anarchiste. Et surtout, selon Mathilde Larère, une autre citation, notre plus grande erreur fut de n'avoir pas planté le pieu au cœur du vampire, la finance. Louise Michel, issue de Mémoire. Et une dernière citation, je crois. J'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau, mais peu importe, j'y serai. Que ce soit à Rome, à Berlin, à Moscou, je n'en sais rien, j'irai. Et sans doute bien d'autres aussi. Voilà, c'était la fin du récit imagé, parce qu'il est bourré d'images, que Mathilde Larère a mis en ligne aujourd'hui pour à l'occasion de la date anniversaire de la naissance de Louise Michel, née le 29 mai 1830. Je vais finalement cesser l'enregistrement à cet endroit, mettre dans les références, le lien vers ce récit imagé de Mathilde Larère et mettre sous le même dossier, mais séparément du coup, les mémoires, enfin la lecture de l'introduction des mémoires de Louise Michel, parce que peut-être que j'en ferai d'autres et que ça serait chouette qu'elles soient ensemble, même si c'est plusieurs enregistrements séparément. Je ne sais pas si je suis très claire, mais dans ma tête c'est clair en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée pour le peu, pour le cas où vous arrêtiez là. Et à très vite pour d'autres lectures ou pas. En tous les cas, belle vie. Et comme Louise, ne lâchez rien.